arriver. Good afternoon, Toronto. You're listening to Supercation here on CHRY 105.5 FM. My name is Metzer. I'll be with you until the end of the hour playing some French language punk, ska, and hardcore. Today, it's going to be a good show. And if you're not off growing a mustache like Steven Izar in homage to Jack Layton, then stay tuned and listen to Supercation. Salut, c'était Yabasta avec l'avant-garde de leur album Toujours Debout. Vous écoutez Sous Pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français, pendant les prochaines 55 minutes, plus ou moins, là, qu'on reste ensemble. Alors, je vais pas trop tarder avec mon jasage. Alors, je continue en musique avec une chanson par les partisans de leur album éponyme. Voici leur merveilleuse chanson « Graines de violence » à Sous Pression. Ça commence à sortir. Quand on gère de la les tests, on met les centigrètes, et on mange l'express. Hey, I can't find nothing on the radio. CHRY. Yo, turn to that station. 105.5 FM. Salut, vous écoutez toujours Soupression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, vous nous écoutez aux ondes de CVR 103.5 FM, la radio Taiga. Je vais faire un petit retour sur les dernières chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a commencé le dernier bloc avec Les Partisans, la chanson Graines de violence tirée de leur album éponyme. La Gâchette après ça avec Solidarité. Et on vient de terminer avec Les Ordures Ioniques, la chanson Partir ailleurs en restant ici. C'est une chanson tirée d'un démo qui ont sorti, ça fait longtemps, ça fait, je dirais peut-être 15 ans. Le démo s'appelait Qui shake la bouteille, récolte le bouchon. Pour un démo, le son est de très bonne qualité, une démo cassette. Et en parlant de nouvelles, ben pas de tune, c'est pas une nouvelle chanson, mais en parlant, disons, de premier album, premier démo, ou même premier EP, je vais faire jouer une chanson du premier EP du groupe qui s'appelle L'Équipe. C'est un groupe qui est composé de membres de d'autres groupes, comme Les Prostiputes, Bonne Journée et Les Sprats. Et ils ont sorti leur EP récemment, ils l'ont mis sur leur site, ils ont un site Facebook, il y a aussi un site Bandcamp. Pour le groupe, faites une petite recherche sur Facebook, L'Équipe MF, ou faites une recherche sur Internet pour L'Équipe. Vous allez trouver ça, leur EP s'appelle Déclarer Forfait, et je vais vous faire jouer une des chansons de leur nouveau EP. La chanson s'appelle Forfait, alors écoutez bien ça. Leur EP, je l'ai écouté une couple de fois. La semaine passée, je suis allé chez nous, je l'ai tout téléchargé. C'est gratuitement, ils ont mis ça gratuitement à partir de leur site web Bandcamp. Et le EP est excellent. Si vous êtes un fan, c'est des groupes comme Les Prostituées, comme Bonne Journée, comme Les Sprats, vous allez aimer ça. C'est du punk rock. C'est ça, c'est bon. Puis la musique qui est bonne pour la fête. Ok, on continue. J'arrête de parler. Je vous fais jouer Forfait par L'Équipe de leur album, leur nouveau EP, Déclaré Forfait, ici à Sous Pression. Wow. Plus. parce que tu en as envie. Je te laisse le premier choix. C'est un joli endroit, mais encore c'est trop tard. Ça te fait toujours la peur. C'était les Marmottes Aplaties avec Fusil de leur album Décadent. Vous écoutez toujours Sous Pression. Si vous êtes à Toronto, c'est au CHRY 105.5 FM que vous écoutez ça. Et à Yellowknife, c'est le 103.5 FM. Avant les Marmottes Aplaties, on a écouté Les Prostiputes avec Je suis un teenage zombie de Louder Space Baby de leur album Sex en stéréo. Berrure et Noir avant ça avec Jim La Jungle. Et on a commencé avec l'équipe Déclaré Forfait. La chanson Forfait de leur nouveau EP, Déclaré Forfait, sorti récemment par le groupe et qui le groupe l'a aussi mis en ligne, disponible. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Ça vaut la peine de faire le détour si vous aimez les groupes comme Les Prostiputes, Bonne Journée, Les Sprats et d'autres groupes de ce genre-là. Allez voir ça, ça vaut la peine de faire le petit détour vers le site de l'équipe. Alors, je continue la musique dans un instant, mais avant, on est rendu à moitié chemin de l'émission. Il est temps que je vous rappelle que l'émission a un site web. Vous pouvez visiter le www.souspression.wordpress.com, www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. À chaque semaine, je mets ça en ligne. Vous pouvez télécharger ça en format de podcast. Et vous pouvez télécharger ça gratuitement, écouter n'importe quand et n'importe où. Et vous pouvez aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine et aussi des informations pertinentes au monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et aussi, on est sur Facebook, c'est le facebook.com/sous-pression, comme un peu tout le monde dans le monde, on est tout rendu sur Facebook. Alors, je mets aussi l'information concernant l'émission et concernant encore le monde du punk, du ska et du hardcore francophone sur le site web. Alors, allez voir ça, www.facebook.com/sous-pression ou le www.souspression.wordpress.com. Et si vous voulez nous contacter avec des demandes spéciales, des plaintes, des commentaires, positifs ou négatifs, vous pouvez le faire. Envoyez-moi un courriel au souspression@chry.fm. C'est le souspression@chry.fm. Je vais faire mon mieux pour vous répondre et de plaire à vous, vos demandes spéciales si vous en avez. Alors, je continue la musique, mais avant de continuer, je vais faire un petit bonjour. Je vais faire un petit salut à tous les rebelles de la Libye. T'sais, on a vu en fin de semaine que ce qui était une guerre civile, en fait, contre le régime de Gaddafi est à veille de terminer. En tout cas, ça a l'air de même, là, que le régime de Gaddafi est pas mal mort. Moi, personnellement, je suis content. Tous les tyrans méritent pas mieux que ce qu'ils vont lui donner, je suis certain. Faut pas oublier ce que, tu sais, la relation entre les rebelles et l'OTAN est plus ou moins problématique. Ça, je l'avoue, mais j'étais quand même content de voir que Gaddafi va voir son régime approche sa fin. Alors, c'est ça, je salue tout le monde, tous les gens, les hommes et les femmes qui luttent pour la liberté un peu partout dans le monde. Je vais faire ça avec une couple de chansons là maintenant, comme je fais ça d'habitude. C'est la seule façon que je sais le faire. Je vais faire ça avec les chansons. Je vais jouer une chanson par les partisans, Scott and Panic People de leur album Lâcher des bombes, la chanson Machette ou Kalash. Alors voici Scott and Panic People à sous pression. We'll chacun de nous, c'est la même misère. Et partout la famine a ce goût de colère. Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes répondent à l'appel des résistants d'Espagne, venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en s'en vant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas nos lois, le chant des partisans, elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en s'en vant. Don't vous montre à la télé qui veut bien vous haïr. Aucune liberté, pas de sortie, pas d'entrée. C'est ce qui nous fallait, enduré à Berlin-Est. Yeah. en général, on a beaucoup travaillé. C'était Gamic par Jeunesse Apatride, ici à Sous Pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto, ici VR 103.5. À Yellowknife, notre heure ensemble tire malheureusement à sa fin. Je vais faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc avant de vraiment quitter pour la semaine. En fait, pour deux semaines, parce que je ne serai pas ici la semaine prochaine, mais j'ai préparé quelque chose pour vous, alors vous devrez avoir quelque chose de la musique pendant... l'heure où Sous Pression devrait avoir lieu. Vous allez avoir de quoi, ça je vous le promets. Mais moi, je ne serai pas ici, alors ça ne sera pas une émission en direct ou une nouvelle émission. Mais en tout cas, faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a écouté du Scott and Panic People avec Machette ou Kalash. En fait, on a commencé avec ça. Corrigan Fest avec Victoire en chantant après ça. Brigada Flores Magón avec Conscrit. La Fraction avec Guerre d'Espérance tirée d'un album, en fait, d'un EP du même titre. Sorti il y a longtemps, 96, je pense. Banlieue Rouge après avec Alice de Berlin de leur premier album En attendant demain. Guarapita après ça avec Capital Tragédie de leur plus récent album sorti l'année passée, Politiqueria. Excellent album. Ça aussi, c'est disponible gratuitement sur leur site web. Faites une petite recherche pour Guarapita. Vous pouvez télécharger tout leur matériel gratuitement. Et comme je dis, on vient de terminer avec Jeunesse Apatride et Gamic de leur album Black Block and Roll. Alors, c'est ça notre temps ensemble est malheureusement fini. J'ai le temps pour une dernière chanson. Je vais faire jouer une chanson de Nuclear Device de leur album Western Electric, sorti en 87. C'est la dernière chanson de cet album-là, la chanson Lettre de Fusillé. Alors, je vous laisse avec ça. Passez une excellente semaine. Moi, je serai pas ici la semaine prochaine, mais je serai en train de visiter la côte ouest canadienne. Mais je serai de retour dans deux semaines pour vous faire jouer du bon punk rock en français et pour marquer la rentrée scolaire. Alors, voici Nuclear Device. Prenez très bien soin de vous et passez une bonne semaine. We'll be right back. Je